L'actualité à Nancy et ailleurs. Le World Cleanup Day, ça va se dérouler le samedi 15 septembre partout dans le monde et bien sûr sur la région nancéenne. Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la ferme du plateau de Haye et bien vous participez à cette grande action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors le World Cleanup Day, c'est pour l'historique un mouvement qui a commencé en 2007 en Estonie. C'est René Arnolva qui avait fait ça. En gros, il avait invité des habitants de son quartier, de son pays, à nettoyer eux-mêmes les espaces verts. En 2008, il a réussi à mobiliser 50 000 volontaires et ils ont nettoyé un peu plus de 10 000 tonnes dans son pays. Et chaque année suivante, en fin de compte, c'est un mouvement qui a pris de plus en plus d'ampleur, puisque ne serait-ce que l'année d'après, ça s'est organisé en Lituanie, en Lettonie, en Albanie, en Serbie et en Slovénie. Et pour l'année 2018, il y a un peu plus de 150 pays sur la planète qui vont y participer. Et donc le but, c'est de faire une vraie initiative citoyenne, aidée si on peut par les institutions, les collectivités ou des écoles. Et donc ça consiste à prendre des sacs, des gants et d'aller nettoyer son quartier ou des espaces verts qu'on connaît, qu'on aimerait voir un petit peu plus propre. Tout simplement, alors il va y avoir plusieurs actions sur Nancy, hein, et vous en proposez une donc sur le secteur de la ferme du plateau de Haye. Vous pouvez nous présenter un peu ce lieu ? Oui, alors nous on est au sein du parc forestier du plateau de Haye, donc c'est le parc qui part de derrière la MJC du Haut du Lièvre et qui va jusqu'à l'autoroute qui les sépare du Zénith. Alors qu'est-ce qui va se passer sur place ? À quelle heure ça va commencer et qu'est-ce qu'on y fait ? Donc le point de rendez-vous c'est 9h30. Nous ce qu'on fera c'est qu'on séparera en deux les groupes, un groupe avec des moins de 14 ans et un groupe avec des plus de 14 ans. Les plus jeunes auront accès à tous les espaces verts, les pelouses et les prairies. Et pour tout ce qui est bosqué, où on peut y trouver des choses un peu plus dangereuses, coupantes, piquantes, à ce moment-là, ça sera réservé pour les personnes de plus de 14 ans. Et en fin de matinée, vers les alentours de midi, midi et demi, ce sera le moment de faire un bilan de cette matinée de nettoyage. Mais on souhaite du moins réussir à nettoyer l'ensemble du parc qui fait un peu plus de 10 hectares. Voilà, c'est la première fois que vous participez à cette action ? World Cleanup Day, exactement, c'est la première fois, oui. Donc, alors, il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein, il suffit de venir au rendez-vous à 9h30 ? Exactement. La seule chose qu'on rajouterait, c'est qu'on souhaite poursuivre la matinée par un déjeuner à la ferme. Oui. Et donc, on invite les participants à prendre leur repas. C'est un peu basé sur le principe d'une auberge espagnole. Voilà, donc ce rendez-vous de ce samedi 15 septembre, c'est un rendez-vous, il y en a plusieurs. Alors je vous invite, vous qui nous écoutez, à vous rendre sur le site worldcleanupday.fr. On retrouvera bien sûr les coordonnées sur le site de la radio. Et aussi suivre la ferme du plateau de Haye sur les réseaux sociaux, parce que vous avez de nombreuses actions tout au long de l'année. Exactement, là on a terminé avec un chantier international cet été. Mais on va poursuivre avec des différents chantiers en éco-construction ou en maraîchage sur le site. Mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a aussi nos amis de Zéro Déchet Nancy qui, sur le site de Lobo, organisent une journée de nettoyage dans le cadre de la World Cleanup Day. Exactement. Donc tout ça, on le retrouve sur le site que j'ai cité, hein, worldcleanupday.fr. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous tapez dans un moteur de recherche tout ça, vous le trouverez sans problème. Alexandre Lamarque, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.